إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أما بعد إن أعظم واجب على الإنسان نحو نفسه تزكيتها وكذلك تجليتها بالفضائل وأعظمها التوحيد وتجنيبها الرذائل وأشنعها الشرك الشرك بالله تبارك وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وتزكية النفس عباد الله أساس فلاحها وسعادتها في الدنيا والآخرة كما أن تدسيس النفس بالرذائل وإيقاعها في سافل الأمور وحقيرها أساس الخيبة والخسران يقول الله تبارك وتعالى مقسما على ذلك بآياته العظام ومخلوقاته الكبار يقول جل شأنه والشمس وما ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عباد الله serviteur d'Allah sachez que vous devez craindre Allah et celui qui craint Allah Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et l'oriente et le guide vers la meilleure des choses de la dunya et de l'au-delà. Serviteur d'Allah, la plus grande obligation pour l'être humain, envers lui-même, c'est qu'elle purifie son âme, c'est que cet homme purifie son âme, que cette femme purifie son âme, et l'embellisse par les bienfaits et par les mérites. Et parmi les plus grands bienfaits et les plus grands mérites, et les meilleures des bonnes actions, il y a le tawhid. Et parmi les plus grandes obligations pour le serviteur d'Allah, il y a qu'il doit s'écarter de tout ce qui est sale, de tout ce qui est bas, de tout ce qui est laid, de tout ce qui est mauvais. Et parmi les pires choses qui sont parmi ces choses-là, yani, il y a le shirk, de commettre le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en associant quoi que ce soit avec lui dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Celui qui se purifie ne fait que se purifier pour lui-même. » Celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même. Et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que sera la destination. Serviteur d'Allah, sachez que la purification de l'âme est la base du succès et du bonheur du serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et sachez que de salir l'âme par toutes sortes de bassesses et toutes sortes de saletés, eh bien c'est ce qui ramène l'âme vers les choses les plus basses et qui fait en sorte que l'âme de l'être humain périt et va vers sa perte. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne en jurant par ses grands signes et ses grandes créations, il dit par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Et par la terre et celui qui l'a étendue. Et par l'âme. Et par l'âme et celui qui l'a façonné parfaitement. Et qui lui a inspiré sa perversité et sa piété. Certes, a réussi celui qui la purifie et a perdu celui qui l'a corrompu. Certes, a réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire celui qui a purifié son âme, et certes, a péri celui qui l'a corrompu. Celui qui a purifié son âme, man zakka nafsahu ibadallah, kana min al-muflihin. Kana min al-muflihin. والفلاح حيزة الخير في الدنيا والآخرة ومن قمع نفسه ووضرها وأخفاها وحقرها ودنسها كان من الخائبين الخاسرين عباد الله تزكية النفس تجمع أمرين عظيمين لا زكاة للنفس إلا بهما ألا وهما النماء والطهارة وهذا هو أصل مدلول هذه الكلم هذه الكلمة في اللغة وهو كذلك معناها في الشرع فتزكية النفس عباد الله تمنية لها بالفضائل والخيرات والأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وطهارة لها بتنقيتها من الحقارات والسفالات ومن سيء الأمور وسفساف الأخلاق ورديئها فتزكية النفس عباد الله تخلية وتحلية تخلية للنفس من الرذائل وتحلية لها بالفضائل نقرأ في صلاة الجمعة قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صلاتك ذكرك صيامك برك بوالديك إحسانك عموم طاعاتك كل ذلك تزكية للنفس كل ذلك تزكية للنفس فتزكية النفس تكون بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات كما أنها تكون بتجنيب النفس الحقارات والرذائل يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون بعدك عن الحرام واجتنابك للآثام وتوقيك من كل ما حرمه الملك العلام كل ذلك داخل في باب تزكية النفس سيرفيتور الله ساشي que celui qui a purifié son âme, il est parmi les gens qui ont le succès. Et le vrai succès, le succès c'est d'obtenir le bien de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Et celui qui a sali son âme et qui l'a corrompue fera partie des gens qui ont la perte et qui sont dans la perdition. Serviteur d'Allah, il y a deux choses qui sont nécessaires pour qu'on puisse purifier notre âme. Et qui reviennent à la définition même du mot zakat dans la langue arabe, qui signifie annama wa tahara, c'est-à-dire l'augmentation et la purification. Donc, de purifier son âme, eh bien, ça implique ces deux significations-là qui viennent de la langue arabe et qui sont similaires dans la révélation d'Allah et dans la législation de l'islam. C'est-à-dire que lorsque tu te purifies et tu purifies ton âme, ça veut dire que tu l'augmentes et tu l'agrandis par toutes sortes de bonnes choses qui sont méritoires et qui sont bonnes. Les bonnes œuvres que tu fais, les actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout ça, ça vient purifier ton âme. Purifier ton âme des impuretés, des saletés, des péchés, des choses qui sont basses, des choses qui corrompent le comportement et le caractère de l'homme. Et la purification, elle comprend deux choses. Elle comprend, premièrement, de se débarrasser des mauvais comportements de se débarrasser des péchés, de se débarrasser des choses mauvaises. Et elle comprend aussi de se parer, c'est-à-dire de s'embellir par les bonnes œuvres, par les comportements, par les bonnes choses qu'on peut faire, les bonnes actions et les actes d'obéissance. On récite dans la prière de Jumu'ah, dans la salat, dans surat al-A'la, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Certes a réussi celui qui s'est purifié et qui s'est souvenu du nom de son Seigneur et qui a fait la salat. » Donc la purification dans l'islam, la manière dont on purifie notre âme, c'est en établissant la salat, en établissant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant le jeûne du ramadan, en faisant ou en étant bon envers nos parents, yani birrul walidain, en faisant preuve de bonté, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les différents aspects de la vie et de l'obéissance. Tout ça fait partie de la purification de l'âme. Et donc, la purification de l'âme, c'est en faisant les bonnes œuvres, en faisant des actes de pureté, et en s'écartant des œuvres et des actions qui yani, rabaissent l'âme et qui la salit ou qui la rend impure. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne comme exemple dans le Coran, dans Surat An-Nur, dit aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur partie intime. Cela est plus pur pour eux. C'est-à-dire que lorsque l'homme a devant lui quelque chose de haram, quelque chose qu'il ne doit pas regarder, qu'il baisse de son regard et qu'il préserve de leur partie intime. Et ce verset est important pour les croyants, et en particulier dans des lieux ou dans des pays où la pureté ou la purification ou la pudeur ou la timidité sont des choses qui sont yani, rares et des choses qui ne sont pas mises en valeur, des choses auxquelles on ne donne pas d'importance. Alors le croyant doit prendre ces versets en considération et chercher à se purifier. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset « ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ » Cela est plus pur pour eux. Donc celui qui baisse son regard et qui préserve ses parties intimes, eh bien ça c'est une purification pour lui. Et Allah est certes bien informé de ce que vous faites. بُعْدُكَ عَنِ الْحَرَامِ Le fait que tu t'écartes des choses haram. وَاجْتِنَابُكَ لِلْآثَامِ Le fait que tu t'éloignes des péchés. تُوَقِّيكَ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ Cela vient te protéger et te préserver de tout ce que le roi, celui qui a la connaissance de toutes choses, t'a interdit de faire. وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي بَابِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ Tout ça fait partie de la purification de l'âme. عباد الله أساس تزكية النفس الذي عليه تبنى وعمادها الذي عليه تقوم توحيد الله عز وجل توحيد الله عز وجل وتحقيق الإيمان به جل وعلا ذلا وخضوعا وانكسارا وطمعا ورغبة ورهبة فأهل التوحيد عباد الله هم أهل الزكاة وأهل الشرك والتنديد هم أهل التنسية والحقارات Serviteur d'Allah, sachez une chose très importante en ce qui a rapport avec la purification de l'âme et la purification du serviteur, c'est qu'elle est basée sur et elle est construite sur un pilier et un fondement qui est le plus important de tous les piliers et de tous les fondements de l'islam, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, c'est-à-dire l'unification d'Allah, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans ses noms et dans ses attributs, et dans sa souveraineté. Donc, il n'y a pas de purification de l'âme possible sans avoir premièrement, et principalement, et primordialement, commencé par avoir établi le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la croyance et dans les actions. Sans le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de possibilité de purifier son âme, parce que c'est la base. Et sans avoir établi la véracité et la réalité de la foi, en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en s'humiliant devant lui, en se rabaissant devant lui, en ayant espoir en lui et en l'aimant comme il mérite d'être aimé. C'est comme ça qu'on établit le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu en s'écartant de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui offre une adoration quelconque à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un homme saint ou un pieux ou un prophète ou un ange ou un djinn ou la lune ou le soleil ou les étoiles ou les arbres ou les pierres ou une statue ou une idole ou peu importe ce qui peut être adoré en dehors d'Allah par les êtres humains, quiconque offre à une de ces choses une adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis le shirk, qui est la plus pire des et la plus grande des impuretés et la plus grande des saletés. Et celui qui a cette impureté, l'impureté du shirk, eh bien il n'y a rien qui peut la purifier sauf s'il se repent à Allah du shirk qu'il a commis et qu'il revient au tawhid et à l'unicité d'Allah, et qu'il réalise la signification du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens de la purification sont les gens du tawhid, et les gens de l'impureté sont les gens du shirk qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. عباد الله لا بد في تزكية النفس من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كل طريق لتزكية النفس غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم مسدود فلا تزكية للنفس إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه والاتباع لنهجه والاتساء بهديه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كل سعي لتزكية النفس من غير طريقه فهو تباب وخسران إذ كيف عباد الله يرام الوصول إلى التزكية والقبول بغير نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا عباد الله ولهذا كانت منة الله على عباده العظيمة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى ونبيه المجتبى تاليا على عباده آياته ومزكيا لهم بما آتاه الله من الآيات والحكمة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Serviteur d'Allah, sachez que pour qu'il y ait une purification de l'âme, pour que l'être humain puisse se purifier lui-même, il est obligé de suivre l'exemple du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout autre chemin par lequel quelqu'un chercherait à purifier son âme, en dehors du chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors son chemin est bloqué. Ce chemin est bloqué parce qu'il n'y a pas d'autre voie vers la purification de l'âme, excepté la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers d'Allah. Avant lui, d'autres messagers sont venus. Les messagers d'Allah à partir de Adam, en passant par Ibrahim, en passant par Moussa alayhi salam, en passant par Isa alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui est venu sceller la révélation des messagers. Et donc, étant donné qu'il est le dernier, celui qui cherche à adorer Allah subhanahu wa ta'ala par autre que sa voix et par autre que sa sunna, et qui cherche un exemple autre que la sienne, eh bien il ne pourra jamais arriver à son objectif et à son but, parce qu'il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui sera acceptée par Allah, excepté la voie qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, certes, il dit ce qui signifie, certes il y a pour vous en l'exemple du messager d'Allah la meilleure exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se souvient d'Allah souvent. Donc tout effort pour purifier son âme par autre que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une voie qui est vouée à la perdition et à l'échec. Comment quelqu'un, serviteur d'Allah, Comment quelqu'un pourrait-il arriver à son objectif de purifier son âme et que ses âmes soient acceptées, que ses œuvres soient acceptées d'Allah par autre que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et donc ça, c'est une grave erreur. Et sachez que il y a parmi les musulmans, ou parmi les gens qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à cette umma et qui prétendent suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a des individus et il y a des groupes qui suivent autre que l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent que, en suivant leur exemple, ils pourront purifier leur âme. En suivant des innovations ou en suivant des exemples qui ne viennent pas de ce qui a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ou qu'est-ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas de doute que ça, c'est des innovations. De nombreuses turuq soufiyya, de nombreux shuyukh, parmi les shuyukh des turuq de bid'ah et de tasawwuf, ont inventé des formes de azkar et des formes de wird et des formes de dhikr que leurs shuyukh ont inventé. Et ils prétendent que par ces voies, ils sont capables d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de purifier leur âme en faisant certains exercices spirituels qu'ils ont innovés et inventés et qui viennent du shaitan. Et l'islam nous a sauvés et purifiés de cela. L'exemple des gens qui croient qu'en s'isolant dans un monastère ou dans une montagne et en restant seul, sans manger, sans se marier, sans aller se mélanger avec la société, qu'ils vont arriver en faisant cela à purifier leur âme et à sortir leur âme pour s'unifier avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme le font les soufiyines qui cherchent à atteindre un état semblable à ce qui est enseigné par les bouddhistes dans leur concept de nirvana, qui pensent qu'ils se sortent de la prison de chair corporelle qu'ils ont pour s'unifier avec l'âme universelle. Tous ces enseignements n'ont rien à voir avec l'islam et sont à la base tirés du shirk et de la croyance des mushrikines, des juifs ou des chrétiens ou des grecs de l'antiquité ou des hindous ou des bouddhistes ou des gens qui ont des croyances de shirk et des égarements dans les fondements de leur religion. Et donc faites attention à ceux qui vous appellent à purifier votre âme par autre que l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en faisant des danses, ou en faisant des chants, ou en faisant du dhikr en groupe, en utilisant des tambours, ou en utilisant d'autres danses, ou des mouvements, ou des moyens de respirer qui sont étrangers à l'islam, qui n'ont rien à voir avec le Coran, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Prenez garde à ces gens-là. Parce que parmi ces soufis, il y en a qui prétendent qu'ils reçoivent des révélations, même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent qu'ils reçoivent des rêves, et que Dieu leur parle à travers des rêves, et qu'ils reçoivent des nouvelles formes d'adoration par ces rêves, alors que la révélation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est terminée après sa mort, et il n'y en a plus de révélation après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque vient après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit: le messager d'Allah m'a parlé dans un rêve, il m'a révélé une nouvelle prière ou un nouveau dhikr, ou Allah m'a révélé une nouvelle révélation, c'est un menteur, il a menti sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a menti sur Allah. Certains aussi prétendent qu'ils ont des apparitions d'anges ou de djinns ou d'autres créatures. Certains ont même prétendu qu'ils ont rencontré Khidr et qu'il leur a enseigné des nouvelles prières ou des nouveaux dhikrs ou des nouvelles façons de purifier leur âme. Tout ça, c'est des exemples de mensonges et d'égarements que ces gens-là ramènent, et ils prétendent que ce sont des raccourcis pour la purification de l'âme, que ce sont des moyens qui nous rapprochent d'Allah plus rapidement que les méthodes enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par l'islam et par la charia d'Allah. Et donc ça, c'est la voie de l'égarement et la voie vers l'égarement, parce que la purification de l'âme, c'est un chemin qui est long. Et c'est un chemin qui est dur, et c'est un chemin qui est fatigant, parce qu'elle exige aux serviteurs qu'ils restent constants et qu'ils restent fermes sur l'ordre d'Allah et sur l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, si le serviteur se trompe ou fait des fautes ou tombe dans un péché, alhamdoulillah, il n'y a pas de désespoir dans cela, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Et il accepte la repentance de son serviteur. Ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafuru rahim. Ô mon serviteur qui a transgressé contre lui-même dans le péché, ne perdez pas espoir en là, en le pardon d'Allah, en la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés, il est certes le pardonneur et le miséricordieux. Donc celui qui a des remords et qui retourne à Allah en repentance, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera sa repentance et lui pardonnera pour ses péchés. Donc toute personne qui fait des efforts pour se purifier, qu'il cherche à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en suivant le Coran et en suivant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique, et en suivant également l'exemple de nos sahaba. Et en est plus que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans nombreux versets que Allah est satisfait d'eux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم عباد الله إن تزكية النفس صلاحها وفلاحها أمر بيد الله عز وجل فلا يزكو من عباد الله إلا من الله عليه بذلك كما قال جل شأنه بل الله يزكي من يشاء وكما قال جل شأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ويقول تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Serviteur d'Allah, sachez que la purification de l'âme et le fait d'avoir le succès de l'âme et le succès dans la purification de cette âme, c'est quelque chose qui entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne peut arriver à purifier son âme, excepté celui à qui Allah a fait la faveur de la purifier. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dans ce qui signifie, dans ce qu'il dit, Balillahu yuzakki man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui purifie celui qu'il veut. Et il mentionne et il dit, si ce n'était que de la grâce d'Allah sur vous et de sa miséricorde, il n'aurait purifié aucun d'entre vous. Il n'aurait jamais purifié aucun d'entre vous. Mais Allah purifie celui qu'il veut. Et donc, il faut revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour avoir la purification de cette âme. Il faut lui demander la purification de cette âme. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien orientés, les bien guidés. C'est une grâce venant d'Allah et une miséricorde. Et certes, Allah est omniscient et sage. Et c'est pour cette raison. لهذا عباد الله من أراد التزكية لنفسه فليطلبها من الله وليلتمسها بطاعة الله عز وجل ومن أعظم الدعاء في هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. عباد الله وأعظم عون على تزكية النفس تذكيرها بالوقوف بين يدي الله والجزاء والحساب وأنها صائرة إلى الله جل وعلا وأنه سبحانه سيجازي كل نفس بما عملت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله وثواب من زكى نفسه عند الله عظيم فإن من زكى نفسه فاز يوم القيامة برضا الله ودخل جنته جنة النعيم ونجا من سخطه وعقابه وعذابه الأليم. يقول تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا كذلك بمنه وفضله وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Serviteur d'Allah, sachez, comme on a expliqué, que la purification de l'âme, il faut la demander à Allah et il faut la rechercher en appliquant son obéissance. Et parmi les plus grandes façons d'obtenir cette purification, c'est ce qui a été rapporté dans le hadith authentique dans Sahih Muslim, selon Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire dans son invocation: « Oh Allah, donne à mon âme sa piété, purifie-la, tu es le meilleur à pouvoir la purifier, tu es son maître. » Hein, tuer son allié et son maître. Et donc celui qui répète cette invocation, Allah va lui faciliter la purification de son âme. Serviteur d'Allah, parmi les meilleurs moyens qui aident à purifier notre âme, il y a le fait qu'elle doit se rappeler qu'elle sera debout devant Allah au jour de la résurrection et qu'elle sera jugée et qu'elle retournera vers Allah pour être rétribuée pour tout ce qu'elle a fait. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, yani wal tanzur nafsun, que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain, et craignez Allah, et certes Allah est bien informé de ce que vous faites. Serviteur d'Allah, la récompense de celui qui a purifié son âme est grande auprès d'Allah. Celui qui a purifié son âme, il aura l'agrément d'Allah au jour de la résurrection, et il entrera dans les grands jardins de délices, et il sera épargné et sauvé du châtiment douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa punition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie: et celui qui vient à Allah croyant et qui a fait les bonnes œuvres, alors ceux-là auront des degrés élevés, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et cela est la récompense de celui qui s'est purifié. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le grand, le noble, le Seigneur du grand trône, par tous ses noms et ses attributs élevés, qu'il fasse de nous, par sa grâce et par son mérite, des gens qui font partie de ceux qui se purifient leur âme. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وطهر قلوبنا واجعلنا من المتطهرين، وقوموا إلى صلاتكم، بارك الله فيكم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا، صووا صفوفكم، سدوا الفرج، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. تقدموا. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،